je reconnus dans celui qui venait de me parler la voix qui s'était fait entendre lorsque l'on implorait mon secours. Je lui adressai encore quelques paroles, et quoiqu'il ne fût pas mort, il ne me répondit pas. Alors, me tournant du côté du premier, je parlai pour l'encourager à se lever et venir avec moi. Il me regarda sans me répondre. Je remarquai qu'il était enveloppé d'une grosse capote doublée en fourrure et dont il cherchait à se débarrasser. Je voulus l'aider à se relever, mais la chose fut impossible. En le prenant par le bras, je vis qu'il avait des épaulettes d'officier supérieur. Il me parla encore un peu de revue, de parade, et finit par tomber sur le côté, la figure sur la neige. Enfin, je dus l'abandonner, car il m'était impossible de rester plus longtemps sans m'exposer à partager le sort de ces deux infortunés. Je passai la main sur la figure du premier. Elle était froide comme la glace. Il avait cessé de vivre. À côté se trouvait une espèce de carnassière que je ramassai, espérant y trouver quelque chose. Mais je m'aperçus qu'il n'y avait que des chiffons et des papiers. J'emportai le tout. Ayant regagné la route, je me remis à marcher, mais lentement, écoutant souvent, car il me semblait toujours entendre quelqu'un se plaindre. L'espoir de rencontrer quelque bivac me fit, autant que je le pouvais, doubler le pas. J'arrivai dans un endroit de la route que je trouvais presque fermé de chevaux morts et de voitures brisées. Tout à coup, je me laisse aller malgré moi, et je tombe assis sur le cou d'un cheval mort qui barrait le chemin. Autour étaient étendus, sans mouvement, des hommes de différents régiments. J'en remarquai même plusieurs de la jeune garde, faciles à reconnaître au shako. J'ai supposé depuis qu'une partie de ces hommes était morts en voulant dépecer le cheval pour le manger, mais qu'ils n'en avaient pas eu la force, et qu'ils avaient succombé de froid et de faim, comme cela arrivait tous les jours. Dans cette triste situation, me voyant seul au milieu d'un immense cimetière et d'un silence épouvantable, les pensées les plus sinistres vinrent m'assaillir. Je pensais à mes camarades, dont je me trouvais séparé comme par une fatalité, ensuite à mon pays, à mes parents, de manière que je me mis à pleurer comme un enfant. Les larmes que je versais me soulagèrent et me rendirent le courage que j'avais perdu. Je trouvai sous ma main, contre la tête du cheval sur lequel j'étais assis, une petite hache, comme nous en portions toujours dans chaque compagnie lorsque nous étions en campagne. Je voulus m'en servir pour en couper un morceau, mais je n'en pus venir à bout, car il était tellement durci par la gelée que j'aurais plutôt coupé du bois. Enfin, j'épuisai le reste de mes forces contre l'animal, et je tombai de lassitude, mais je m'étais réchauffé un peu. En ramassant la hache qui m'était échappée des mains, je m'aperçus que j'avais cassé plusieurs morceaux de glace, qui n'étaient autre chose que du sang de cheval, que, probablement, l'on avait saigné pour tuer. J'en ramassai le plus possible, que je mis précieusement dans ma carnassière. Ensuite, j'en mangeai quelques morceaux qui me rendirent un peu de force, et je me remis à continuer mon chemin à la garde de Dieu, ayant toujours soin de passer à droite et à gauche, afin d'éviter la rencontre des cadavres, dont la route était jonchée, m'arrêtant et tâtonnant dans l'obscurité toutes les fois qu'un gros nuage passait sur la lune, et allant le plus vite possible dans la direction du bois, lorsqu'elle reparaissait. Après avoir marché quelque temps, j'aperçus à peu de distance et devant moi quelque chose que je pris d'abord pour un caisson. Mais étant plus près, je reconnus que c'était la voiture d'une cantinière d'un régiment de la jeune garde, que j'avais rencontré plusieurs fois depuis Krasnoé, conduisant deux blessés et des fusiliers chasseurs de la garde. Les chevaux qui la conduisaient étaient morts et en partie mangés ou coupés par morceaux. Autour de la voiture étaient sept cadavres presque nus et à moitié couverts de neige. Un seulement avait encore sur lui une capote en peau de mouton. Je m'en approchai pour l'examiner, mais je crois plutôt que c'était pour lui ôter cette capote. À peine m'étais-je baissé pour regarder que je reconnus une femme. Elle donnait peut-être encore quelques signes de vie lorsque l'on avait été forcé de l'abandonner, et c'était à cela que cette malheureuse devait d'avoir conservé ses vêtements. Dans la situation où je me trouvais, le sentiment de ma conservation était toujours ma première pensée. C'est pourquoi, par un mouvement irréfléchi, je voulais essayer mes forces en cherchant à couper un morceau de cheval, sans penser qu'un instant avant, j'étais tombé de lassitude en voulant faire la même chose. Je pris donc ma hache à deux mains et j'attaquai le cheval, qui était dans les brancards de la voiture, mais ce fut comme la première fois peine inutile. Alors l'idée me vint de passer mon bras dans le corps du cheval et de voir si avec la main je ne pourrais pas en retirer le cœur, le foie ou quelque autre chose. Mais je faillis l'avoir gelé. J'en fus quitte pour un doigt de la main droite qui n'était pas encore guéri en arrivant à Paris, au mois de mars 1813. Enfin, ne pouvant arracher un lambeau de chair que j'aurais mangé cru, je me décidai à passer la nuit dans la voiture qui était couverte et dans laquelle je n'avais pas encore regardé, étant certain qu'il n'y avait rien à manger. Je m'avançai près de la femme morte afin d'essayer de lui ôter la capote de peau de mouton pour m'en couvrir, mais il fut impossible de lui faire faire un mouvement. Cependant, je n'avais pas perdu tout espoir. Elle avait le corps sanglé avec une courroie de sac ou une bretelle de fusil, et pour la lui ôter, il fallait que je lui fasse faire un demi-tour, parce que la boucle qui la serrait était de l'autre côté. Pour cela, je pris mon fusil à deux mains, et m'en servant comme d'un levier sous le corps. Mais à peine avais-je commencé qu'un cri déchirant sortit de la voiture. Je me retourne, un second cri se fait entendre. « Marie » criait-on, « Marie, à boire, je me meurs !» Je restais interdit. Une minute après, la même voix répéta « Ah, mon Dieu !» Aussitôt, il me vient dans l'idée que ce sont de malheureux blessés, que l'on a abandonnés sans qu'ils le sachent. Ce n'était que trop vrai. Ayant monté sur la carcasse du cheval, qui était dans les brancards, je m'appuyai sur le bord de la voiture, et ayant demandé ce que l'on voulait, l'on me répondit avec bien de la peine « À boire !» Tout à coup, pensant à la glace de sang que j'avais dans ma carnassière, je voulus descendre pour en prendre. Mais la lune, qui m'éclairait depuis assez de temps, disparaît tout à coup sous un gros nuage noir. Et, pensant poser le pied sur quelque chose de solide, je le mets à côté et je tombe sur trois cadavres qui se trouvaient l'un contre l'autre. J'avais les jambes plus hautes que la tête, les caisses placées sur le ventre d'un mort et la figure sur une de ses mains. J'étais habitué à coucher depuis un mois au milieu de compagnies semblables, mais je ne sais si c'est parce que j'étais seul, quelque chose de plus terrible que la peur s'empara de moi. Il me semblait que j'avais le cauchemar. Je restai quelque temps sans parole. J'étais comme un insensé, et je me mis à crier comme si l'on me tenait sans vouloir me lâcher. Malgré les efforts que je faisais pour me relever, je ne pouvais en venir à bout. Enfin, je veux m'aider de mes bras, mais je pose sans le vouloir ma main droite sur une figure, et mon pouce entre dans la bouche. Dans ce moment, la lune reparaît, et je vois tout ce qui m'entoure. Un frisson me parcourt. Je quitte mon point d'appui et je retombe encore. Mais alors tout change, je suis honteux de ma faiblesse, et au lieu de la peur, une espèce de frénésie s'empare de moi. Je me relève en jurant et en mettant mes mains, mes pieds sur les figures, les bras, les jambes, n'importe où. Je regarde le ciel en jurant et semble le défier. Je prends mon fusil, je frappe contre la voiture. Je ne sais même pas si je n'ai pas frappé sur les pauvres diables qui étaient à mes pieds. Devenu plus calme et décidé à passer la nuit dans la voiture, près des blessés pour me mettre à l'abri du mauvais temps, je pris un morceau de sang à la glace dans ma carnassière et je montai dedans, cherchant en tâtonnant celui qui m'avait demandé à boire et qui ne cessait de crier, mais faiblement. En m'approchant, je m'aperçus qu'il était amputé de la cuisse gauche. Je lui demandai de quel régiment il était. Il ne me répondit pas. Alors, cherchant sa tête, je lui introduisis avec peine mon morceau de sang glacé dans la bouche. Celui qui était à côté était froid et dur comme un marbre. J'essayai de le mettre en bas de la voiture pour prendre sa place, attendre le jour et partir ensuite avec ceux que je supposais être encore en arrière. Mais je n'en pus venir à bout. Je n'avais pas la force de bouger, et le bord de la voiture étant trop haut, je ne pouvais le pousser à terre. Voyant que le premier n'avait plus qu'un instant à vivre, je le couvris avec deux capotes que le mort avait sur lui, et restant encore un instant assis sur les jambes de ce dernier, je cherchai dans la voiture s'il n'y avait rien qui pût m'être utile. N'ayant rien trouvé, j'adressai encore la parole au premier, mais inutilement. Je lui passai la main sur la figure, elle était froide, et à la bouche, il avait encore le morceau de glace que je lui avais introduit. Il avait cessé de vivre et de souffrir. Ne pouvant, sans m'exposer à périr, rester plus longtemps, je me disposais à partir, mais avant, je voulus encore regarder la femme qui était à terre, pensant que c'était Marie, la cantinière, que je connaissais particulièrement, comme étant du même pays que moi, et, profitant de la clarté que la lune donnait dans ce moment, je l'examinais, et à la taille et à la figure, je fus certain que c'était une autre personne. Le fusil sous le bras, comme un chasseur, deux carnassières, une en maroquin rouge et l'autre en toile grise que j'avais trouvée un instant avant, ma hache au côté, un morceau de sang glacé dans la bouche et les deux mains dans mon pantalon, je me remis en route. Il pouvait être 9 heures. La neige avait cessé de tomber. Le vent soufflait avec moins de force et le froid avait perdu un peu de son intensité. Je me mis à marcher toujours dans la direction du bois. Au bout d'une demi-heure, la lune disparut comme par enchantement. C'est ce qui pouvait m'arriver de plus fâcheux. Je restai quelques minutes à me reconnaître, appuyé sur mon fusil et battant des pieds, pour ne pas me laisser prendre par le froid, en attendant que la clarté revînt. Mais je fus trompé dans mon attente, car elle ne reparut plus. Cependant, mes yeux commencèrent à s'habituer à l'obscurité, de manière à y voir assez pour me conduire. Tout à coup, je crus m'apercevoir que je ne marchais plus dans la même route. Naturellement porté à éviter le vent du nord, je lui avais tout à fait tourné le dos. J'en eus la certitude en ne rencontrant plus sur mes pas aucune trace de débris de l'armée. Je ne saurais dire le temps que je marchais dans cette nouvelle direction. Peut-être une demi-heure, lorsque je m'aperçus, mais trop tard, que j'étais sur le bord d'un précipice, où je roulais à plus de 40 pieds de profondeur. Il est vrai de dire que je parcourus cette distance à plusieurs reprises, que 3 fois je fus arrêté par des broussailles. Alors, pensant que c'en était fait de moi, je fermai les yeux et je me laissai aller à la volonté de Dieu. Il fallut aller jusqu'au fond, où j'arrivai sur quelque chose de bombé, qui rendit un son sourd. Je restai quelque temps étourdi, mais comme rien ne m'étonnait plus, après tout ce qui m'était arrivé, je fus bientôt revenu de ma surprise. M'apercevant que mon fusil m'avait échappé des mains, je me mis en tête de le chercher, mais bien me pris d'y renoncer et d'attendre jusqu'au jour. Je tirai mon sabre du fourreau et comme je ne pouvais rien voir, j'allais tout en sondant devant moi. C'est alors que je m'aperçus que l'objet sur lequel j'étais tombé et qui avait rendu un son sourd était un caisson, dont je cherchais à faire le tour, ainsi que de 2 carcasses de chevaux que je rencontrais sur le devant. Voulant trouver un endroit convenable afin de passer le reste de la nuit, je m'arrêtai pour écouter et voir. Au bout d'un instant, je sentis de la chaleur aux pieds. Ayant baissé la tête, je m'aperçus que j'étais arrêté sur l'emplacement d'un feu qui n'était pas tout à fait éteint. Aussitôt, je me couche à terre et mettant les mains dans les cendres pour les réchauffer, je parvins à retrouver quelques charbons que je réunis avec beaucoup de peine et de précaution. Ensuite, je me mis à souffler et j'en fis jaillir quelques étincelles que je reçus précieusement sur la figure et dans les mains. Mais du bois pour ravitailler mon feu, où en trouver? Je n'osais l'abandonner, car ce feu devait me sauver la vie, et pendant que je me serais éloigné, pour en chercher, il pouvait s'éteindre. Crainte d'accident, je déchire un morceau de ma chemise qui tombait en lambeaux. J'en fais une mèche et je l'allume. Ensuite, tout en tâtonnant avec les mains autour de moi, je ramasse des petits morceaux de bois qui, fort heureusement, se trouvent à ma portée. Et avec de la patience, je parviens, non sans beaucoup de difficulté, à le rallumer. Bientôt la flamme me pétille, et ramassant tout le bois que je trouve, au bout d'un instant j'ai un grand feu, de manière à me faire distinguer tous les objets qui se trouvent à 5 ou 6 pas de moi. Je vis d'abord sur le dessus du caisson, écrit en grandes lettres, « Garde impérial, état-major ». L'inscription était surmontée de l'aigle. Ensuite, autour et aussi loin que je pouvais voir, le terrain était couvert de casques, de shakos, de sabres, de cuirasses, de coffres enfoncés, de porte-manteaux vides, d'habillements épars et déchirés, de sel, de chabrac de luxe et d'une infinité d'autres choses. Mais à peine avais-je jeté un coup d'œil sur tout ce qui m'environnait, l'idée me vint que l'endroit où je me trouvais pourrait bien être à portée du bivouac d'un parti de Cosaques, et aussitôt voilà que la peur me prend et que je n'ose plus entretenir mon feu. « Il n'y a pas de doute, dis-je en moi-même, que cet endroit est occupé par des Russes, car si c'était des Français, l'on y verrait des grands feux. Nos soldats, à défaut de nourriture, se chauffaient très bien lorsqu'ils le pouvaient, et là, justement, le bois ne manque pas. Je ne concevais pas qu'un endroit comme celui où je me trouvais, à l'abri du vent, n'eût pas été choisi pour y passer la nuit. Enfin, je ne savais si je devais rester ou partir. Pendant que je faisais ces réflexions, mon feu avait considérablement diminué, et je n'osais y remettre du bois. Mais l'envie de me réchauffer et de me reposer quelques heures l'emporta sur la crainte. J'en ramassai autant qu'il me fut possible, j'en fis un bon tas que je mis près de moi, de manière à le pouvoir prendre sans me bouger et me chauffer ainsi jusqu'au jour. Je ramassai aussi plusieurs chabracs pour mettre sous moi et enveloppé dans ma peau d'ours, le dos tourné au caisson, je me disposais à passer ainsi le reste de la nuit. En mettant du bois sur mon feu, je m'aperçus qu'il se trouvait, parmi les morceaux, une côte de cheval, et quoiqu'on l'eût déjà rongée, il y restait encore assez de viande pour apaiser la faim qui commençait à me dévorer. Et quoique couverte de neige et de cendres, c'était pour le moment beaucoup plus que je n'aurais osé espérer. Depuis la veille, je n'avais mangé que la moitié d'un corbeau que j'avais trouvé mort, et le matin, avant mon départ, quelques cuillerées de soupe de gruau mélangées de morceaux de paille d'avoine et de grains de seigle et salées avec de la poudre. À peine ma côtelette était-elle chaude que je commençais à mordre, malgré les cendres qui servaient d'assaisonnement. Je fis de cette manière mon triste repas, en regardant de temps à autre à droite et à gauche, si je ne voyais rien autour de moi qui pût m'inquiéter. Depuis que j'étais dans ce fond, ma position s'était un peu améliorée. Je ne marchais plus, j'étais à l'abri du vent et du froid. J'avais du feu et à manger. Mais j'étais tellement fatigué que je m'endormis en mangeant, mais d'un sommeil agité par la crainte et interrompu par les douleurs que j'avais dans les cuisses. Il semblait que l'on m'avait roué de coups. Je ne sais combien de temps je me reposais, mais lorsque je m'éveillais, il n'y avait pas encore d'apparence que le jour dût venir de sitôt, car en Russie les nuits sont longues. C'est le contraire en été, il n'y en a presque pas. Lorsque je m'étais endormi, je m'étais mis les pieds dans les cendres. Ainsi, en me réveillant, je les avais chauds. Je savais par expérience que le bon feu délasse et apaise les douleurs. C'est pourquoi je me disposais à en faire un en mettant le feu au caisson, en y ajoutant tout ce qui pourrait être susceptible de brûler. Aussitôt, ramassant et réunissant tout le bois que je pus trouver, ainsi que les coffres brisés, et en ayant mis une partie contre, je n'avais qu'à pousser mon feu et à l'incendier. Cependant, je voulus encore attendre quelque temps, car je pensais que si mon feu jusqu'à présent ne m'avait attiré aucun désagrément, c'est-à-dire quelques patrouilles de Cosaques, c'est parce qu'il était petit et dans un fond, mais que le contraire pourrait fort bien arriver lorsque le caisson serait tout en feu. La flamme commençait à éclairer et à me mettre à même de voir tout ce qui était autour de moi. Je vis venir sur ma gauche quelque chose que je pris d'abord pour un animal, et comme il y a beaucoup d'ours en Russie et surtout dans cette contrée, je pensais et j'étais presque certain, à la tournure de l'individu, que c'en était un, car il marchait à quatre pattes. Il pouvait être à 10 ou 12 pas, et je ne pouvais encore bien le distinguer. Lorsqu'il ne fut plus qu'à 5 ou 6 pas, je reconnus que c'était un homme, et de suite je pensais que ce pouvait être un blessé, qui, attiré par le feu, venait en prendre sa part. Crainte de surprise, je me mis sur mes gardes, et prenant mon sabre, qui était près de moi et hors du fourreau, j'avançai à 2 pas à la rencontre et sur la droite de l'individu en lui criant « Qui es-tu ?» En même temps, je lui mettais la pointe de mon sabre sur le dos, car j'avais reconnu que c'était un Russe, un vrai Cosaque à longue barbe. Aussitôt, il leva la tête et se mit en position d'esclave, en voulant me baiser les pieds et en me disant « Dobre, Franchus !» et d'autres mots que je comprenais un peu et que l'on dit lorsqu'on a peur. S'il avait pu deviner, il aurait vu que j'avais pour le moins aussi peur que lui. Il se mit sur les genoux pour me montrer qu'il avait un coup de sabre sur la figure. Je remarquai que dans cette position, sa tête allait jusqu'à mon épaule, de sorte qu'il devait avoir plus de 6 pieds. Je lui fis signe de s'approcher du feu. Alors il me fit comprendre qu'il avait une autre blessure. C'était une balle qui lui était entrée dans le bas-ventre, tant qu'à son coup de sabre, il était effrayant. Il lui prenait sur le haut de la tête, descendant le long de la figure jusqu'au menton, et allait se perdre dans la barbe. Preuve certaine que celui qui le lui avait appliqué n'allait pas de main morte. Il se coucha sur le dos pour me montrer son coup de feu. La balle avait traversé. Dans cette position, je m'assurai qu'il n'avait pas d'arme. Ensuite, il se mit sur le côté sans plus rien dire. Je me mis en face pour l'observer. Je ne voulais plus m'endormir, car je voulais, avant le jour, exécuter mon projet de mettre le feu au caisson et de partir ensuite. Mais voilà que tout à coup, une autre terreur me prend en pensant qu'il pouvait bien contenir de la poudre. À peine ai-je fait cette réflexion que, tout fatigué que je suis, je me lève, et ne faisant qu'un saut au-dessus du feu et du pauvre diable qui était devant moi, je me mis à courir à plus de 20 pas sur la gauche. Mais chopant à une cuirasse qui se trouvait sur mon passage, j'allais mesurer la terre de tout mon long. J'eus encore le bonheur, dans cette chute, de ne pas me blesser, car j'aurais pu rencontrer en tombant quelques débris d'armes, et il y en avait beaucoup d'éparses dans cet endroit. j'ai pu m'en assurer lorsqu'il commença à faire jour. M'étant relevé, je me mis à marcher en reculant, et toujours les yeux fixés sur l'endroit que je venais d'abandonner, comme si vraiment j'avais été certain qu'il existât de la poudre dans le caisson et qu'il allât faire explosion. Peu à peu, revenu de ma peur, je regagnai l'endroit que j'avais quitté sottement, car je n'étais pas plus en sûreté à 20 pas que contre le feu. Je pris les morceaux de bois enflammés, je les portai avec précaution à l'endroit où j'étais tombé. Ensuite, je pris la cuirasse à laquelle j'avais chopé afin de m'en servir à ramasser de la neige et à éteindre le feu. Mais à peine avais-je commencé cette besogne qu'un bruit de fanfare se fit entendre, et ayant attentivement écouté, je reconnus facilement les clairons de la cavalerie russe qui m'annonçait que je n'étais pas loin d'eux. À ce son national, j'avais vu le cosaque lever la tête. Je cherchais en l'examinant attentivement à lire sur sa physionomie quelle était sa pensée, car le feu éclairait encore assez pour distinguer ses traits. Il semblait vouloir aussi lire sur ma figure l'impression que ce bruit inattendu avait produit sur moi. C'est ainsi que j'ai pu voir comme cet homme était hideux, une carrure d'Hercule, des yeux louches qui renfonçaient sur un front bas et saillant. Sa chevelure et sa barbe rousse et drue comme un crin donnaient à ses traits un caractère sauvage. Dans ce moment, je crus voir qu'il souffrait horriblement de sa blessure, car il faisait des mouvements, comme quelqu'un qui a une forte colique, et par moments il grinçait des dents, qui ressemblaient à des crocs. J'avais interrompu mon ouvrage, et ne sachant plus que faire, j'écoutais stupidement cette musique sauvage, quand tout à coup un autre bruit se fait entendre derrière moi. Je me retourne, jugé de ma frayeur. C'est le caisson qui s'ouvre comme un tombeau, et je vois se lever, du fond, un corps d'une grandeur extraordinaire, blanc comme neige depuis les pieds jusqu'à la tête, ressemblant au fantôme du commandeur dans le festin de pierre, tenant le dessus du caisson d'une main et un sabre nu de l'autre. À l'apparition d'un pareil individu, je fais quelques pas en arrière et je tire mon sabre. Je le regarde sans rien dire, en attendant qu'il parle le premier. Mais je vois que mon fantôme est embarrassé, en cherchant à se défaire d'un grand collet rabattu par-dessus sa tête. Ce collet tenait à un manteau blanc qui l'empêchait de distinguer ce qui l'environnait, et comme il faisait cette manœuvre de la main dont il tenait son sabre, il ne pouvait parvenir à se débarrasser la tête sans s'exposer à faire retomber sur lui le dessus du caisson qu'il tenait de la main gauche. Enfin, rompant le silence, je lui demandai d'une voix mal assurée « Êtes-vous français ?»« Eh oui, certainement, je suis français, la belle sacrée demande. Vous êtes là, me dit-il, comme une chandelle bénite. Vous me voyez embarrassé et vous ne m'aidez pas à sortir de mon cercueil. Je vois, mon camarade, que vous avez eu peur. » Oui, c'est vrai, mais parce que vous auriez pu être un vivant, semblable à celui qui se trouve dans ce moment, couché près du feu. Pendant ce colloque, je l'avais aidé à sortir. À peine fut-il à terre qu'il se débarrassa de son grand manteau. Jugez de ma surprise et de ma joie en reconnaissant dans ce fantôme un des plus vieux grognards des grenadiers de la vieille garde, un de mes anciens camarades, qui se nommait Picard, Picard de nom et Picard de nation, que je n'avais pas vu depuis notre dernière revue de l'empereur au Kremlin, mon vieux camarade avec qui j'avais fait mes premières armes, car en entrant au Vilite, j'étais de la compagnie dont il faisait partie et de la même escouade. J'avais été avec lui aux batailles d'Iéna, de Pulstusk, d'Elo, d'Elsberg et Friedland. Je le quittai ensuite après la paix de Tilsit, pour le retrouver plus tard, en 1808, sur les frontières d'Espagne, au camp de Mora, où il fut pendant 5 ans sous mes ordres, car j'étais caporal, et le hasard l'avait fait tomber dans mon escouade. Et depuis, nous avions fait les autres campagnes ensemble, quoique n'étant plus du même régiment. Picard eut de la peine à me reconnaître, tant j'étais changé et misérable, et à cause de ma peau d'ours, du reste de mon accoutrement et de la nuit. Nous nous regardions avec étonnement, moi de le voir assez propre et bien portant, et lui de me voir si maigre, et comme il me le disait ressemblant à Robinson Crusoe. Enfin, rompant le silence, « Dites-moi donc, me dit-il, mon pays, mon sergent, comme vous voudrez, par quel hasard ou par quel malheur j'ai le bonheur de vous trouver ici, pendant la nuit, et seul en compagnie de ce vilain Kalmouk. Car c'en est un, regardez-le bien, voyez ses yeux. Il est ici depuis hier 5 heures, mais quelque temps après, il a disparu. C'est pourquoi je suis surpris de le revoir. » Je contai à Picard comment je l'avais vu et la peur qu'il m'avait faite. « Et vous, me dit-il, mon pays, comment diable êtes-vous tombé ici pendant la nuit ? Avant de vous conter cela, je vous demanderai d'abord si vous n'avez pas un petit morceau de quelque chose à me donner à manger. Si, mon sergent, un petit morceau de biscuit. » Aussitôt, il ouvrit son sac et en tira un morceau de biscuit grand comme la main, qu'il me donna et que je dévorai de suite, car depuis le 27 octobre, je n'avais pas mangé de pain. En dévorant le biscuit, je lui dis : « Picard, vous avez de l'eau-de-vie ? » « Non, mon pays. Cependant, il me semble que j'en sens l'odeur. » « Vous avez raison, me répondit-il, car hier, lorsque l'on a pillé le caisson que vous voyez, il s'en trouvait une bouteille. Ils n'ont pas pu s'entendre pour la boire. Elle a été cassée et perdue. » Je lui témoignai le désir de savoir la place. Il me la montra. Alors je ramassai de la neige à l'eau-de-vie, comme j'avais fait du sang de cheval à la glace. « Pas si bête, dit Picard, je n'y pensais pas. » « Dans ce cas, nous en trouverons de quoi nous mettre en ribote, car il paraît qu'il y en avait plusieurs bouteilles dans le caisson. » Le morceau de biscuit que j'avais mangé, ainsi que quelques pincées de neige à l'eau-de-vie, me firent beaucoup de bien. Alors je lui contai tout ce qui m'était arrivé, depuis la veille au soir. Picard m'écoutait et avait de la peine à me croire. Mais ce fut bien pire lorsque je lui fis un détail de la misère et de la situation de l'armée, de son régiment et de toute la garde impériale en général. Ceux qui liront ce journal seront surpris de ce que Picard ne savait rien de tout cela. En voici la raison.